matinale de 18h, l'émission décalée des Fadjet. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en 2025, bienvenue pour la matinale, je baisse ça en même temps, en 2025 pour la matinale de 18h. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. On a passé un petit peu de temps pour se reposer. On n'était pas là des vacances. Mais maintenant, nous sommes là et nous sommes extrêmement nombreux dans le studio pour cette première de l'année 2025. Par où est-ce que je commence? Je ne sais même pas. On va commencer par les membres historiques qui sont là, qui sont dans leur siège comme des fossiles. Oui. Jocelyn et Tristan, salut les gars. Salut James, comment tu vas? Ça te fait quoi, Jocelyn, d'être fossile à moins de 30 ans? Et ben en fait, c'est moins douloureux qu'être comparé à toi qui est vraiment un menhir dans cette fagette radio. Oui, dans cette radio. Ça, voilà. Non, mais attention, je disais fossile avec une grande bienveillance. Moi, je suis un grand amateur de fossiles. D'ailleurs. Oui, exactement, des fossiles. Voilà, premier jeu de mots de l'année 2025. Bravo. Voilà. Bravo, on a on doit fêter également l'arrivée d'une nouvelle membre dans notre émission. Et quel puisque membre elle est devenue une membre émérite, c'est Caro. Salut Caro. Wow. Salut. Bon, on entend des petits claps comme ça et on n'a plus de bête de fond, voilà, hop. Bon, faut retrouver les automatismes un petit peu au niveau de la régie. Ouais. Bah écoute Caro, sois la bienvenue pour cette émission. Maintenant tu n'es plus une invitée, tu es une comment on dit, l'aficionados, une membrette. Voilà, une membrette. Une membrette, ouais. Voilà. Membrane. Allez, c'est bien pour c'est un peu une séance bisutage quoi, c'est ça? Quand j'ai, non, j'ai accepté, toutes les séances sont c'était pareilles. La dernière fois la bisutage là. Ça maintenant y est, c'est fait. Maintenant c'est toi qui bisutes. D'accord. Et on va bisuter donc, notamment. Je peux dire que je n'accepte pas le mot membrette par exemple. Oui, voilà. Je n'accepte pas le mot membrette. Membrane, membranette, membrine. Nombril. Nombril, allez, ça passe. Très bien, super. Très donc la nouvelle membrine de la matinale de 18h. Quelqu'un qu'on va pouvoir bisuter à côté de toi, c'est Étienne. Salut Étienne. Ah. Enchanté James, bonne année. Enchanté, voilà. Wow. Étienne, vous allez voir, c'est quelqu'un d'extrêmement poli, comme vous venez de l'entendre, et tu es le collègue de. On va te défier. Tu es aussi barman en fait. Je suis la nièce de Jocelyn. La nièce de Jocelyn. Oui, c'est ma petite nièce à moi. Voilà. Quoi. Et vous êtes tous les deux les deux plus grands barmen de Nancy, j'ai envie de dire. C'est ça, on a exactement. Le duo de choc. Et vous officiez tous les deux à. Je n'arrive jamais à retenir le nom de ce bar, c'est un truc de fou. C'est pas Cristal ou... Le Cristal, voilà, c'est pour ça c'est très facile. Le Cristal qui est Place Maginot pour les connaisseurs. Et on a également deux stagiaires. Alors, un premier temps, on a Lucie qui est donc la nièce de Caro, c'est bien ça. Salut Lucie. Salut. Et c'est ma barmaid aussi. C'est aussi ta barmaid, waouh. Et donc, c'était ton anniversaire, c'est ça? Un jour? Oui, le 19 novembre. Le 19 novembre, voilà. C'est l'anniversaire de tout le monde. On n'a jamais été aussi proche, c'est vrai. Le 19 novembre. Et enfin, on a Marion, qui est aussi stagiaire. Oui, bonjour. Salut Marion. Il y a, voilà, les présentations sont faites. Vous êtes en stage pour quoi, mesdames, Marion et Lucie? Travaux d'intérêt généraux. sorte de tôle. Non, moi perso, c'est pour valider ma licence d'infocom. Oui, en sciences humaines et sociales. Ok. Et moi, c'est pour mon stage de 3e. D'accord, c'est d'accord. Pour voir ta tante, ouais. Des horizons, ouais, c'est bon, manque. On a compris. Des horizons différents. Et donc, elle me manque. Et donc, du coup, est-ce que vous avez passé une bonne transition vers 2025, tout et un chacun? Au niveau digestif, la transition? Ouais. C'est sur quels critères? La transition digestive. Oui. Bah écoute, sur ce que tu veux, moi j'ai envie de dire. Tiens, par exemple, est-ce que t'as des résolutions? La grande question du début d'année. Ah oui. Mais attendez cette question. On est mi-janvier, il serait temps de la poser. Si quelqu'un dit résolution, c'est de ne pas prendre de résolution, je pars de cette émission. Moi. Non, j'allais pas le faire. J'allais pas le faire. Non. C'est un peu comme un lundi, toi. Comment ça va? Comme un lundi. Je peux pas. Ça, c'est les trucs. Donc, du coup, tu as des résolutions? Ah mince! Je vais devoir partir! Je ne me pose pas cette question. J'en ai tous les jours, en fait. Tous les matins, j'ai des résolutions. Ah oui, d'accord. Ouais. Celle de ce matin? Ce matin, c'était de vous faire sourire, messieurs. Waouh! Wow. Et ça a déjà marché. Bravo, c'est énorme comme réseau. Ah, je me flagelle tellement que je souris là. Arrête ton sourire, s'il vous plaît. Mais ça marche trop, c'est pas normal. Oui. Donc en fait, personne ici n'a pris de résolution. Bah, personne ne s'est dit, tiens, allez, 2025, c'est parti. On s'est pas retourné la question déjà, James. Bah oui, déjà, toi. Mais alors, moi, désolé, Caro, je veux pas t'offenser non plus. Mais en tout cas, moi. Quand je parlais de transition, ma transition de 2024 à 2025 a été complètement fluide. Pour moi, 2025, c'est une continuité c'est de 2024. Et d'ailleurs, je me suis couché à 23h le 31 moi décembre. Aussi, non, mais oui. Moi aussi. Vous étiez crazy. J'étais réveillé à minuit par les feux d'artifice. Du coup, je me suis réveillé et je suis allé dans la rue pour aller les voir. Ah ouais? En pyjama? Alors non, oui. non, j'ai pris le temps de m'habiller. C'était en Allemagne, et en Allemagne, c'est le pays du feu d'artifice. Oui. N'importe qui fait le feu d'artifice n'importe où à partir de minuit. Et donc, j'étais réveillé, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, ça ne va pas s'arrêter au bout de 5 minutes. Et j'étais profité de ça. Et ouais, c'est à faire, c'est Allemands. À faire. Il faut faire le 31-12 en Allemagne, voilà. Et se trouver un point haut pour voir au loin tous les feux d'artifice dans la vallée, partout. C'est un pays d'artificiers. Ouais, clairement. Okay. Et est-ce qu'il y avait, une soirée Nouvel An au Cristal le 31 décembre? Ouais, il y avait Petit Bifort du Cristal jusqu'à 23h. Vous y étiez tous les deux? Nous y étions. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'on avait passé Nouvel An ensemble il y a 2-3 ans là. Ah ouais? Il y a 2 ans. Mais oui, peut-être. J'étais venu au Cristal. Accessible. Oui, oui. Oui, oui, oui, tout à fait. Et c'était il y a 2 ans, personne ne s'en souvient. Oui, ça les avait marqués. Je m'en souviens. Ah, voilà, Etienne, tu vois, il est trop sympa, Etienne, il s'en rappelle. Etienne on se croise très souvent près de la nouvelle année, parce que je suis allé imprimer des trucs et je t'ai croisé. Oui, c'est vrai, on s'est croisé en début d'année. C'est voilà, on a un lien de début d'année, toi et moi. C'est ça, que le début d'année. Voilà, on se voit en décembre et en janvier, puis c'est tout. Après, on arrête de se voir. Voilà. Quoi, bah écoute, oui, c'est des conversations personnelles, mais ça intéresse les auditeurs. Les auditeurs sont là, mais j'aimerais bien connaître les liens entre tous ces gens. Les liens de qui déjà? Mais je comprends rien. Et toi, Lucie, tu as des résolutions pour la nouvelle année? Non, pas trop. Pas trop? Parle bien dans le micro, va. J'y ai pas réfléchi. T'y as pas réfléchi, d'accord. C'est pas un truc qu'on acquiert tout de suite. T'as une heure. On t'en posera la question à la fin de l'émission. Marion, toi non plus, pas de résolution donc. Si. Voilà quelqu'un qui est quand même. Tu réponds à sa place, alors toi rien du coup, j'imagine. Mais comment ça? Alors, non, alors, première résolution, c'est faire plus de sport. Bien. Et la deuxième, c'est arrêter d'être gentil. Voilà. Oh. C'est bien ça. Du coup, tu souffles la parole de qui tu veux, quand tu veux, bien, d'accord? Oui. Mais attends, on a un maître ici, on a un maître dans la non-gentillesse. Ah, mais clairement. C'est Tristan, écoute. Faut pas me dire des trucs comme ça. je vais te pousser à bout pour que tu sois plus gentil. Tu vas faire un burn-out. Mais attends, mais tu veux pas la coacher, puisqu'il a une formation, devenez méchant. Devenez méchant et commercialisé, je pense. Ça commençait par un C, moi. Devenez C, quelque chose que j'allais dire, mais comme Tristan. Et ça peut aussi être Marion qui coach Tristan. Hein, mais on peut soigner. Tristan. Ah là, regarde, mais je suis très bien comme ça. Caro qui veut amener de la gentillesse dans ce monde, amenons du chaos. Écoute, j'ai 50 ans, c'est pas là que je vais changer, tu m'excuses, voilà. Ah, ça c'est un bon sujet, ça peut tout changer, passer la barre de la cinquantaine. C'est ça. Voilà. Le demi-siècle, mais écoute, le changement. Ça sera éventuellement, le sujet d'un débat, mais pas dans cette émission, puisque le programme est extrêmement chargé. Voilà. Caro, très décharge. Je ne te le cache pas, je regarde mon téléphone comme s'il y avait un programme dessus, mais pas du tout. Tout est dans ma tête. Ce qui va se passer dans cette émission, je vous l'annonce, messieurs, dames, les auditeurs, c'est que dans un premier temps, on aura une petite chronique de Tristan, c'est ça? Un petit quiz. Un petit quiz, voilà, le quiz de Tristan. Allez. Ça sera sur, tu peux éventuellement. Il y a pas mal de sport. Il y a pas mal de sport. C'est pour toi, Marion. Bah, voilà, c'est pour Marion qui voulait se remettre au sport. Voilà. Et pas mal de gentillesse. Wow. Oh, c'est le quiz de Marion. Voilà, c'est ça. Donc il y aura le quiz de Tristan, et puis dans la deuxième partie de l'émission, on revient avec notre habitude du quiz Actu Insolite que j'ai préparé. Non, mais t'as fait un éphéméride. Mais j'ai fait une éphéméride. Bah, on va commencer par l'éphéméride. Les éphémérides, c'est des fois ça se zappe. Il a vraiment fait un éphéméride. J'étais en train de meubler pour rien du tout. Alors, oh là là, mais c'est incroyable. Tu meubles pas. Donc, on aura d'abord l'éphéméride de Jocelyn, le premier de l'année et peut-être même le dernier, j'ai envie de dire. J'espère. Et donc, le quiz de Tristan, et on finira avec notre quiz Actu Insolite. Et on va faire une première respiration musicale avec le titre de Blackpink, How You Like That. Oh ouais. Qui est la proposition de Jocelyn. On se retrouve juste après avec l'éphéméride. Blackpink in your area. 보란듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 옷구처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을. We'll be right back. C'était Blackpink avec How You Like That. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. L'éphéméride qui a été préparée comme d'habitude, j'ai envie de dire, par bah Jocelyn. Oui. Exactement. Hop là. Ouais, j'adore. Waouh, waouh, waouh, waouh. Excuse-moi, l'orchestre qui est derrière moi a joué un peu trop fort. Tu me donnes de l'énergie. Alors, nous sommes aujourd'hui, si je ne m'abuse, le 16 janvier. Nous sommes le 16 janvier, en effet. Voilà. Alors, éphéméride, un point pour Caro, peut-être. Oui. Anecdote avec éphéméride. Saligo. Oui, je leur partageais pendant la chanson que j'ai cru pendant des années. Donc, voilà, c'est pour mettre un petit peu tout le monde à l'aise. Au même niveau. On a tous des petits trucs. Voilà, j'ai un rapport à l'erreur extrêmement détendu. J'ai cru pendant des années, jusqu'à relativement récemment, que c'était en deux mots, l'éphéméride, quoi. C'était l'effet ou l'effet? Je sais pas. Il y avait méride à la fin. Ouais, voilà. Je crois avec que j'ai eu les deux dans ma tête. C'est d'accord, mais okay. Comme je n'écris jamais l'éphéméride. En règle générale, c'est vrai que très peu de gens l'écrivent. Jamais. Et d'ailleurs, je vous invite. Ça porte malheur. Hein. C'était soit l'un soit l'autre. D'écrire l'éphéméride. Oui, okay. C'est une superstition comme une autre. Ouais. Donc le 16 janvier aujourd'hui. Oui, que s'est-il passé un 16 janvier dans le courant de l'histoire depuis il y a longtemps à aujourd'hui? Il s'est passé énormément de choses. Par exemple, un 16 janvier, c'était très précis, en moins 27 avant Jésus-Christ. Le Sénat romain décerne à Octave le titre d'Auguste, marquant le début de l'Empire romain. Bon, ça, c'est une petite information que vous aviez, j'imagine, déjà sûrement. Ah, c'est une grosse information. Mais oui, début ça d'Empire romain. Ça remplaçait la République. C'est ça. Avant, c'était la République romaine. Et puis là, après, Auguste. La France reconnaît officiellement également l'indépendance des États-Unis. Un 16 janvier, en 1778. J'allais y venir, quand c'est ce que tu savais, quand c'était... Ben non, j'ai donné la réponse, c'était en 1778, un 16 janvier. Mmh. Il y a aussi l'entrée en vigueur de la prohibition aux États-Unis, interdisant la production, la vente et la consommation d'alcool en... Ah oui, quelle année? En 1922. Ou presque à deux années près. En 1924. Et non, c'est 1920. On aurait au moins pu se coordonner pour faire chacun un côté. C'était de la folie de faire ça quand même. De dire, bon, arrêtez l'alcool, les gars. Il y a trop de mines, de gens qui se mettent des mines, on va arrêter l'alcool. Et on derrière, va appeler ça prohibition. Bah écoute, il a tout... ça mériterait débat, pour être honnête. Oui, on pourrait passer en revue beaucoup d'autres choses qui sont un peu folles, non? Ou alors, il faut essayer tous les alcools pour voir si vraiment ça vaut le coup d'être arrêté. On fait une émission comme ça. Moi, j'ai quand même passé un bon tiers de ma vie sans boire. Oui, mais ça, c'est parce que t'avais envie. Non, c'est parce que j'étais un enfant, quoi. Et légalement, c'était obligé. Ça s'est très bien passé, quoi. Ah ouais, t'es jeune, toi. Lucie, est-ce que tu as déjà bu de l'alcool à ton âge? C'est une question piège, ok. On n'a pas le droit de répondre. Si, tu peux. D'accord. Oui, j'ai déjà bu 36 bières. Oh, une soirée. Vas-y, Lucie. Non, mais enfin, mais. Pas crédible. J'ai des ongles et tantes qui sont. T'as les ongles, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et pas n'importe quel. Je pensais que t'allais dire. On m'a promis qu'on ferait un peu de pub. Louis Fleuroux. D'accord, Louis-Fleurons. Les Bourguignons, Nuit Saint-Georges. Oh, ah, mais je viens de Bourgogne, moi aussi, c'est mais dingue. Non. Les... Mais t'as été au lycée où? Tous les liens à Jacques Amiot, à Auxerre. Tous les liens qu'il y a dans cette émission. C'est dingue. Moi, d'accord. J'y allais aussi. Ah oui? En Bourgogne. Ah, c'était comment? Ah, c'était rapide parce que j'étais à 130, mais j'y suis déjà allé. Comme quoi la Bourgogne, ça file. Effectivement. Début de l'opération Tempête du désert qui marque le lancement de... La guerre en Irak. Du Golfe contre l'Irak, en effet. En quelle année, Tristan, vu que tu sais tout? 90. La première, c'était 92. Ah, oh, mais on est entre les deux. 91. Oui, c'est très fort. Assassinat du président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Ah ouais, il était assassiné. Oh, putain, assassiné. En quelle année? En quelle année? 2005. Et non, 2001. Mais dis donc, t'es loin d'être mauvais dans les dates. T'as tout faux à chaque fois, mais t'es loin d'être mauvais. Ouais. Jean-Marc à peu près. Et ouais, voilà, c'est ça. Jean-Marc, exactement. Il y a quelqu'un qui a révolutionné un petit peu le pneu en France. Oui, Michelin. Le pneu. Dunlop. C'est André Michelin, industriel français, cofondateur de l'entreprise de pneumatique. Pourquoi Dunlop, il s'appelait comment? Je sais pas, mais en tout cas, il a pas l'air d'être français, ça fait pas... C'est vrai, Dunlop, alors que André Michelin, oui. Oui, Michelin, oui. Ouais. À Clermont-Ferrand. C'était André, son prénom, tiens, je savais pas. Ouais. Il y a Richard Bohringer aussi, acteur et écrivain qui est né. John Carpenter qui est né. Sadadou, tu connaissais Sadadou? Ah non, pas du tout. Personne, bah moi non plus. Chanteuse britannique d'origine nigériane, reconnue pour sa musique soul et jazz. Okay. Et enfin, j'y viens, il y a Kate Moss, bon ça... On sait déjà qu'elle est née aujourd'hui. Ouais. Mais également Jenny Kim, chanteuse sud-coréenne, membre du groupe de la K-pop Blackpink, ce qu'on vient d'écouter. Et voilà, pourquoi cette émission est bien faite. Exactement. Parce qu'on vient d'écouter Blackpink. Bouclée. Exactement. Il y a des gens qui sont morts. Il y a Léo Delib, compositeur français, connu pour Coppelia et Sylvia, on s'en moque. Phil Spector. Alors, Phil Spector, moi j'ai toujours entendu parler, je l'écrivais pas comme ça, tu vois. J'écrivais Phil Inspector, mais finalement ça s'est fait Spector, producteur de musique américain. Gina Lolo Brigida. Ah, bah oui. Italienne. D'accord, ok. Ok, et ça s'arrête là pour l'éphémérite, c'est pour ça que je voulais y venir tout doucement à la fin, pour parler du dicton du jour qui me plaît énormément. Ah, voilà. Mmh. Et oui, James, est-ce que tu sais, t'aurais donné un dicton au vu de la journée d'aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à la... C'est probablement la température. L'activité agricole du moment. C'est exactement ça. Vous êtes très très bon en dicton du jour sur les éléments. C'est pas du vin de paille par hasard? Non. C'est pas viticole, c'est agricole. Vigne gelée en janvier. Gosier. Non. Ah, non, d'accord, ok. C'est la Saint-Marcel aujourd'hui. C'est la Saint-Marcel, donc ça rime avec Marcel. À la Saint-Marcel. À la Saint-Marcel, on se les gèle. Oui, c'est ça. C'est pas mal. C'est non. C'est la Saint-Marcel repique la laitue et coupe la radicelle. Pas loin. Vraiment c'est pas pu l'avoir celui-là par contre. Elle est un peu tech. Mettez la laitue. D'accord. Coupe la laitue et repique la radicelle. Parce que chaque jour de l'année a un dicton, c'est ça le truc. Je découvre chaque jour de l'année a au moins 10 dictons. Oui, j'allais dire. Parce qu'il y a toujours la journée internationale de quelque chose chaque jour, mais je savais pas qu'il y avait des dictons. Ça m'épuise tous les jours. Très souvent basé sur le temps quand même. Oui, c'est souvent sur le temps. Et en plus, qui n'a plus rien à voir avec la saison d'aujourd'hui. J'en avais un deuxième, c'était du potager bêche toutes les parcelles. À la Saint-Marcel, du potager bêche toutes les parcelles. Plus accessible celui-là. Okay, j'aurais pu le trouver. Un peu plus imagé, j'ai envie de dire. C'est tout pour l'éphéméride d'aujourd'hui. Est-ce que Frotin en veut plus? J'en ai pas spécialement. Plus. Non, Tristan me dit non. Non, j'en veux pas plus. C'est fini. On va faire une deuxième respiration. Cette fois-ci, c'est une demande de Marion qui nous a proposé Born with a Broken Heart de Damiano David. Et c'est ce que nous allons écouter maintenant. Et on se retrouve juste après pour le quiz de Tristan. Tristan quiz. Un quiz de sport. Oh, no, I'm setting out a nest, so Damiano David avec Born with a Broken Heart, le chanteur, il est le chanteur de Maneskin, le groupe italien. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'invité politique de 18h. Bram. Alors le jingle n'a absolument rien à voir avec ce qui va se passer, puisque c'est un quiz sport. Oui, hein, j'ai envie de dire. N'a absolument rien à voir avec le sport. Voilà. Et c'est même pas un quiz. Mais ça fait du bien de leur écouter ce petit jingle là. Ouais. Il est quand même sympa. Hein. Mais il est nouveau aussi, fort, je crois. Hein. En fait, c'est juste qu'on l'avait jamais trop utilisé, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est je vrai. L'aime beaucoup. Et d'un moment. Et Tristan, donc. Ouais. C'est un quiz. Un petit quiz. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a du sport. On va commencer par du sport, du basketball, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est foufou déjà. Ah ouais. Vous êtes déjà hâte. Est-ce que vous connaissez Sacha Vezenkov? Oui, grand joueur de basket. De quel club? Royaume-Uni. Olympiakos. À Athènes. Je l'aide, il n'y arrive même pas. Tu m'as fait incroyable. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe. Et il a fait un match de gala, c'était contre le Bayern de Munich, puisque le Bayern de Munich ne joue pas que au football, mais il joue aussi au basketball. Et ils sont bien classés d'ailleurs en Euroleague. C'était un match d'Euroleague. Et l'Olympiakos a mis une mine au Bayern de Munich. C'est la question ? Non, Sacha Zevenkov. Elle est longue, hein. Sacha Zevenkov, j'y viens. Il a explosé parce qu'il a mis 45 points à 18. À 18 tirs sur 20, ce qui est énorme. Ouais. Mais il y a une autre stat qui est intéressante par rapport à ces 45 points. Saurez-vous trouver laquelle ? Il a mordu. Il a mordu quoi ? Il y a une autre stat. Je pense que ça va être... mordu sa langue. Attends, la stat, il y a une autre stat liée au fait qu'il a mis 45 points en 18 et en plus minutes. À un rendement aussi élevé, à savoir il a tiré 20 fois, il y en a 18 qui ont fait mouche. Mmh. Ok. Voilà. Bon, un temps record. Donc déjà ça c'est ouf. Alors c'est pas un temps record, non. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu d'ailleurs, mais c'était pas un temps record. Il y a un autre truc. Est-ce que c'est une autre stat, genre un autre truc, est-ce que c'est un nombre de rebonds impressionnant qu'il a mis avec ? Il y a pas alors, eu de rebond, non, la balle n'a pas touché terre. Mais t'es sur une bonne voie, c'est pas par rapport au nombre de rebonds. Mais effectivement, il a fait un triple double. Il a jamais touché les pourtours du panier. Ah, l'anneau ? Voilà. Ouais. Non, mais c'est bien. Beau. J'adore ce que vous dites. Bah, attends, non, ça c'est bosse, pas ça. Hein, les gars. Il a très très peu usé une technique au basket. Ah, il a mis que des 3 points. Alors non, il a mis que des 2 points du coup. Eh ben non. Il a mis que des 12 points. Il aurait pu, mais non. Mais voilà, il a utilisé que... Oui. Que ses pieds. Je regarde Lucie parce qu'elle va souvent voir le Sluk et tout. Lucie. Mais oui, Lucie, t'es encore hier au Sluk. Attends. Fan de. D'accord. Je vais même vous dire, il a utilisé que 3 fois pendant ces 18 shoots-là, il a utilisé que 3 fois. Les yeux. Ce qui est vraiment quand même. Ah, 3 lancers. C'est rare. Non, il y en a eu qu'un d'ailleurs. Non, non plus. On est d'accord qu'on l'a toujours pas trouvé là. On a toujours pas trouvé. Sinon, on aurait passé une autre question. Tu peux t'y mettre, tu peux aller mettre ta voiture et revenir si tu veux. C'est quelque chose que généralement les joueurs de basket abusent. Donc ils abusent. Ah, du temps, il fait des petits dribbles, il fait. J'ai entendu le mot. Dribble. Et donc, il a dribblé que 3 fois. Il a dribblé que 3 fois. Ah, d'accord. Avant ses shoots, il n'y a eu que 3 dribbles au total. Ça sert à quoi de dribbler avant à part gagner du temps ? Bah, si tu veux traverser tout le terrain. Ah, mais c'était pas des tirs, des coups francs, entre guillemets. Des coups francs, oui. Des lancers francs. Des lancers francs, ouais. Ah, ça fallait... me détend, moi, ça. C'est... Depuis tout à l'heure, Jocelyn laisse des indices comme quoi il y connaît rien. Mais en plus, je suis allé voir pas mal de fois du basket. Hein. C'est vrai ? Et non. Bien sûr que non. Déjà que je pensais pendant longtemps que tu avais fait du rugby. Etienne, toi, tu fais pas non plus de basket ? Non, j'en fais pas, mais je vais en voir de temps en temps. Ah, au Sluk aussi alors ? Au Sluk, tout à fait. Et alors, du coup, on s'est déjà vu, oui, son visage me disait quelque chose. Ah, bah voilà, on est sur l'amicale des supporters du Sluk. Et on est d'accord c'est quand même rare de mettre déjà 45 points, et en plus, en ne faisant que 3 dribbles au total. Sur ces 45 points, il y a eu sur ces 45 points, on lui a filé la balle. Il a fait 3 fois un dribble, c'est tout. Toutes les autres fois, il a pris la balle et il a shooté. Ça fait 3 fois qu'il l'explique, à mon avis, c'est vraiment un truc voilà. Rare. C'est que ça va être vraiment clair. C'est rare, mais je vous jure, mais croyez-moi. Très bien. Et juste, incroyable. J'en profite pour saluer tous les joueurs du Sluk qui nous écoutent, voilà. Puisque j'imagine qu'ils passent aussi du temps dans leur voiture et ils mettent des fois Fadjet à 18h. Bien sûr. Donc voilà, on les salue. Dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires si vous participez dans les commentaires de votre voiture, allez-y. Allez, je pars aux États-Unis. C'est pas du premier degré, hein, c'est du second degré. Non, mais... puisque bientôt il va y avoir Donald Trump qui va être président, mais avant, pour l'instant, c'est Joe Biden et il a fait des remises de médailles présidentielles de la liberté, ce qui est l'équivalent pour nous des Légions d'honneur. Mmh. Voilà. Mmh. Il a remis la médaille à quelqu'un qui a 85 ans et ben je savais. Alors tout le monde connaît le nom de ce monsieur-là. Mmh. Je ne savais pas qu'il existait. Et je ne savais pas qu'il Donald était vivant. Duck. Non, mais non, alors il existe Disney, mais Disney pour son vraie activité en fait. Non, c'est pas Disney. Oui, j'ai... Son vrai activité. Voilà, en fait, c'est est-ce que c'est Monsieur Monopoly? Ce monsieur ah, oui. porte le nom Pringles de sa marque. Ah, c'est un nom de supermarché. Ah, c'est Monsieur KFC. C'est pas Monsieur KFC. C'est pas Monsieur McDonald's. C'est pas Monsieur Monsieur Monopoly. Ça aurait pu être Monsieur McDonald, mais Monsieur Monopoly. Non, c'est donc alors ça Monsieur Burger King. Je vais vous donner un indice. Sa marque, c'est bien le prénom et le nom. Ah, et il a 85 ans. Et, États-Unis. On lui a décerné, enfin, Joe Biden lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté. Est-ce que voilà. c'est Abercrombie & Fitch? Non. C'est une marque de voiture? Nike Air. C'est pas une marque de voiture. Je pense que oui, si vous allez déjà sur... Catégorie de marque, quoi. Est-ce que c'est des fringues? Non, moi, j'ai envie de faire du premier coup. Ce sont des fringues. Est-ce que c'est des chaussures ou plutôt autre? Mais c'est monsieur... Plutôt autre. Monsieur Lévi-Strauss. Non, c'est pas Lévi-Strauss. Ah oui, une. Comment? C'est la première fois d'ailleurs qu'un couturier, puisqu'on peut le dire... C'est un couturier. Et, okay. Comme discernement, enfin bref, ouais. qu'il reçoit cette médaille-là. C'est la première fois. Quicksilver. Non. C'est vrai que Etienne a proposé Tommy Hilfiger hein, pendant... Tommy ah, Figure. Pardon. C'est ouais, Tommy. Non, mais on se rapproche dans la gamme de fringues, je trouve. Ah. Oui. Ouais, ah, et vous connaissez tous le nom. Hein. Ah, tous Napierigigi. Ah ouais. N'a pas pigerie. Oui. Est-ce que c'est apéritif Est-ce que c'est Monsieur Kiabi? Oh putain. Et c'est quoi le prénom dans Kiabi? Kiki. Serge Kiabi. D'accord. Tu vas souvent à Serge Kiabi. Bien sûr. D'accord. Qui c'est qui t'habille? Bah c'est Serge. Serge Kiabi. Allez, vous voulez un indice? Oui. Galerie, c'est pas le un logo. Prénom, ah ouais. Le logo sur le t-shirt. Ah, Ralph Lauren. Ralph Lauren, merci. Mais attends, mais bien sûr que c'est un, mais bien sûr que c'est un être humain puisqu'il joue dans Friends. Mais oui. Mais oui. Il y a un épisode de Friends sur Ralph Lauren puisque comment elle s'appelle, Rachel bosse là-bas. Ça c'est vraiment référence de boomer. Il fait pas un extraterrestre dans une vieille série là. Il fait une sorte d'extraterrestre. Ah bah ça c'est dans Friends. Non, ça c'est Ralph Lauren. Donc il est le tout premier à couturier à recevoir cette distinction créée en 63 par Kennedy. Il est désormais le styliste qui pourra accessoiriser ses tenues avec de cette imposante médaille ornée d'une étoile dorée émaillée de blanc et de bleu. Wow. Voilà. D'accord, merci pour la description de la médaille. Ça récompense quoi toi, dans son œuvre enfin, son prénom et son nom, je pense. C'est, non, mais après, c'est un peu c'est comme la Légion d'honneur. Hein. Ouais. On était bien en termes ah oui, de oui. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si tu as fait grandir quelque part, d'une manière ou d'une autre, ton pays, tu as participé à la grandeur de ton pays. Voilà, la grandeur. Et ben, okay, voilà, on peut te décerner. Parce qu'il n'a pas aidé particulièrement à s'habiller, tu vois, les gens pas très riches, si, ce genre de choses. Ah il a fait ça. Wow. Il allait dans il a fait des polos. Il y avait des gens pauvres. Il attention leur mettait du Ralph Lauren. Voilà. Il a fait des polos et des jeans quand même. Oui. Donc, il a aidé les gens à s'habiller. C'est vrai. En fait, il y a un et il joue au polo. Il a du Ralph Lauren. C'est marrant parce que quand je vous ai dit logo, là, tout de suite, Ralph Lauren. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui. Pourquoi alors que tout le monde a le logo là, oui, quand même. Hein, oui, mais c'est vrai que ce logo là est particulièrement distinctif. J'ai envie de dire, il y a Lacoste et lui hein, dans le monde. Puis en nom, prénom, il y a Ralph Lauren, quoi. Franchement, okay. Ouais, c'était Ralph Lauren. Mais par contre, ça n'a pas mis les auditeurs sur la voie quand t'as dit le logo est là. Ouais, quand j'ai montré la poitrine. Les gens n'ont pas vu spécialement non. de... Non. Mmh. Les gens sont vraiment dans un manque de culture. Ils ne regardent pas ce qu'on fait. Et donc, non. du coup, est-ce que t'as une autre question pour ce quiz? Tu veux que je te laisse la main, peut-être, par rapport oh, bah, à... Si t'en as encore une, on peut, hein, mais... Ouais, juste ouais. une, mais je sais même pas si je vais la faire en quiz. Tu donnes une anecdote si, comme ça, Jean? Juste... Non, mais si, attends. Je vais me remettre dessus, parce que j'ai préparé l'article, en plus, qui c'est un article de France Info, et que j'ai lu, et le chiffre m'a halluciné. C'est en Inde, et il y a un rite religieux qui se passe tous les 12 ans. C'est énorme. La dernière fois, c'était en 2013, et c'est à la jonction de trois fleuves, dont le Gange, qu'il faut être ce place to be, et ça se passe pendant un mois et demi, puisque ça va durer jusqu'au 26 février. Donc là, ça commence là, ces jours-ci, ça a peut-être déjà commencé, et ça va se terminer le 26 février. Donc, comme ça, c'était il y a 12 ans, enfin voilà, on arrive, c'est tous les 12 ans. Ouais. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui vont se déplacer pour ce rite religieux? 4. Est, l'Inde, c'est lunaire. Alors, ça commence par 4. 4 milliards. 4, oui. 4 milliards. La population mondiale, c'est 9 milliards. Bah, imagine. C'est pour ça. C'est pas, même presque que la moitié. Moi, je vivais. Comment hein. C'est pas 400 millions. C'est 400 millions. Wow, c'est 400 millions. C'est 400 millions. Ouais. Est-ce que vous imaginez 400 millions 400 combien millions. Combien de millions c'est de sur personnes. Une superficie, ça fait combien, tu sais, ou pas? Le Gange. La population de toute l'Europe, c'est un peu plus de 400 millions. Non, mais cet endroit-là, comme tu dis, c'est un endroit spécifique, c'est ça? C'est un mètre carré. 400 millions. Les gens se montent dessus. Là, ça a de la gueule. Alors, en fait, là, ils sont en train de préparer. Tout le monde s'arrache les endroits pour planter des tentes. Donc, avec des tentes plus ou moins cossues, riches, parce que il y a 400 millions, c'est quand même le tiers de la population indienne, qui fait quand même un milliard d'eux, hein, ou quelque chose comme ça, qui va se déplacer. Les 400 millions, c'est la superficie de l'Europe. Imaginez que tout le monde, toute la population européenne se déplace. En région parisienne, ça serait l'équivalent. Ah oui, d'accord. Voilà, même pas sur le pont neuf. Voilà, au croisement de la Saône et de la Creuse. Je sais même pas si ça existe. Mais en plus, je crois que c'est hyper pollué. Il y avait déjà eu. Il y a l'eau est fraîche, l'eau, actuellement. L'eau est fraîche en plus. Ils vont tous aller se baigner. Il fait 10 degrés. Ah bah, il faut se baigner. Il se baigne. Il y a des eaux. La montée des eaux, la montée des eaux. Ils ont même affrété plein de bateaux pour que tu puisses aller te baigner au milieu. Voilà, c'est vraiment à la jonction de ces trois fleuves-là. Il faut être là. C'est place to be. Mais c'est 400 millions. C'est dingue que ça soit un événement si important et que aucun de nous n'y a été convié, par contre. Bah ouais. Et il y a 12 ans, ils ont accueilli 100 millions de personnes. Ouais. Donc, c'est bien. Ah, c'est tous les 12 ans, d'accord. Ouais, c'est pour ça que j'en ai peu entendu parler. Et 3 fois 4, 12. Et 3 fois 4, 12. Merci pour ce point mathématique, Jocelyn. Donc, si vous voulez y aller, est-ce que j'ai le nom de la ville? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut y aller? Bangkok. Il y a peut-être des auditeurs. Il y a peut-être des auditeurs qui veulent y aller. Il y a peut-être des auditeurs qui y sont. D'accord, d'ailleurs. Ils sont là. Voilà, c'est la et on les salue. Ouais. On dit dans les coms. Du Gange, de la Yamuna et de la Sarasvati. Voilà. Ah oui, je connaissais que la Sarasvati. Voilà qu'il faut être si vous voulez dire oh, j'y suis quoi. C'est à l'endroit où littéralement tout le monde sera en fait, puisque on est d'accord, puisque c'est une grosse partie de la population mondiale. Merci Tristan pour ce petit quiz. Des selfies. On va rester sur un quiz puisqu'on va passer maintenant au quiz. Bon, on sera un peu dans le même domaine, le quiz actu insolite. On va être à ce niveau-là. Mais d'abord, une petite respiration avec justement ta proposition, Tristan, de ton chanteur favori, Jamiroquai. Et on va écouter Cosmic Girl ensemble et on se retrouve après pour notre quiz Actu Insolite. She's just a cosmic. Jamiroquai avec Cosmic Girl. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. L'émission qui est bien et le quiz actu insolite qui est bien. Alors pour les personnes qui sont dans ce studio pour la première fois avec nous, à savoir Étienne, Lucie et Marion, hein, puisque vous savez, nous sommes 7 dans ce studio aujourd'hui. C'est un quiz d'actu qui se sont réellement passés, qui sont un peu insolites. Donc n'hésitez pas à proposer des choses, hein, pour que l'antenne vive, j'ai envie de dire. Et vive l'antenne. Voilà, faisons vivre l'antenne. Et on va d'abord partir en Antarctique. En Antarctique, voilà. Moi, je vous propose des destinations où on va très peu. Antarctique nord ou sud? Non, le sud. L'Antarctique, c'est... Je n'arrive pas à retenir ça. C'est le sud de l'Antarctique. C'est le gros truc. Voilà, tout le monde le savait. C'est le sud. Et qu'a découvert le dénommé Geran Campanella en Antarctique? Une pizza 4 saisons. Oh. Non. Bon, peut-être, cela dit peut-être, mais je pense pas qu'il l'ait. Un truc... Non, c'est pas ça, non. De la glace? Non. Dommage. Je suis sûr que je la sais en plus. Non, je pense que tu le sais pas. Du pétrole. Je pense mais c'est un truc falloir... un peu insolite ou un truc... C'est quiz insolite, quand même. C'est vraiment pas... C'est le quiz insolite, donc c'est forcément insolite. Oui. Oui, c'est... Enfin, oui, c'est en soi déjà insolite d'être en Antarctique. C'est un animal. What the fuck? C'est un animal? Non, non, non. C'est un végétal? C'est pas une découverte tangible, j'ai envie de dire. Ah, c'est sur lui-même? Ah. Il s'est... Wow, bien. Il s'est découvert lui-même. Il a découvert son cœur, son empathie. Le Christ. Très, très bonne piste. Allez-y, rentrez dans cette piste. Marion, une idée, peut-être? Non, je voulais... Oups, pardon. Je voulais dire une fusée d'extraterrestre. Ah, non, non, non. Ça aurait été trop cool. Ça aurait été bien, ouais, mais non. Il s'est découvert des capacités... Je suis ufologue, j'aurais su ça. Il s'est découvert super bon en apnée. Non, non, c'est pas... En orthographe? Non. Il ne sentait pas le froid. Il a plus peur du noir. Parce qu'il s'est retrouvé dans le noir. Non, non, non. Il faut peut-être essayer de chercher qu'est-ce qu'il avait comme particularité avant. C'est-à-dire qu'il a fait un voyage en Antarctique et ça l'a changé. Ça l'a changé. Voilà. Il craint pas le froid. Non. C'est-à-dire qu'il a été en Antarctique pour tester une de ses croyances. Ah, la Terre est plate. Il n'y croit plus. Exactement. C'était un platiste. Je savais bien que je savais. C'est l'influenceur. Un influenceur platiste donc qui croit que la Terre est plate. Et qui a fait ce qu'il a appelé sa final experiment d'aller en Antarctique, donc ce qui était pour lui le bord de la Terre, pour voir si c'était bien le bord. Mmh. Et ça l'était pas. Et donc du coup, il a fait un mea culpa. Il a dit en fait, probablement elle est ronde. Et du coup, il a perdu tous ses abonnés. Peut-être, oui, je sais pas. Je considère qu'il dit incroyable. N'importe quoi. Oui, voilà, peut-être. Mais la vidéo est folle. Le nombre de platistes qu'il y a, ne serait-ce qu'en France, paraît que c'est hallucinant. Même. Mais t'en as croisé toi ou pas? Moi, j'en ai jamais croisé. S'il y a des platistes qui peuvent nous dire. Bah écoute, dire, oui, moi je suis tout platiste. À fait ouvert. En plus, moi je suis quelqu'un de très très ouvert sur ce genre de choses. Donc n'hésitez pas si vous êtes plastiste. Platiste. Et non pas plaquiste. Voilà, exactement. Voilà, plaquiste. Ouais. Moi j'en cherche un au pire. Voilà, au point où on en est, on peut aussi interviewer un plaquiste, j'ai envie de dire. Contactez-nous sur la page Facebook. On vous reçoit, mais alors en grande pompe. On vous fait un bed. Voilà, on vous fait un bed, exactement. Et on vous posera des questions. Mais j'avais vu une interview d'un type plastiste. Bah oui, sur Légende, là. Oui, sur Légende. Voilà, ce gars-là. Mais la vidéo de l'influenceur qui débunk, qui dit en fait la Terre est plate et n'est pas plate, elle est folle. Le gars est premier degré en Antarctique et se rend compte que en fait non. Toute sa vie. Elle est disponible cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il a fait après ce mec, on sait ou pas? Alors il a fait le tour de la Terre. Je ne sais pas ce qu'il a fait après. Je peux vous rappeler vos noms. Son nom, Geran Campanella. Geran. Je crois qu'il essaie Campanella. En train d'aplatir la Terre là actuellement. Très bien. Eh bien, écoutez, on va partir maintenant aux États-Unis. Ah ouais. Wow. En Oregon. Vous savez qu'on aime beaucoup aller aux États-Unis dans cette émission. Allons en Oregon, à Bend. Et à quelle dégradation publique la ville de Bend en Oregon a-t-elle dû faire face? Est-ce que c'est avec du caca? Ah, ils ont cru que c'était des épices, collective. Donc ils ont pris toute l'herbe. L'Oregon, d'accord. Okay. Ils ont mangé l'herbe. Non, il se passe des choses en Oregon, dans la ville de Bend, et les autorités locales ont dû, en fait, elles ont fait un communiqué pour dire arrêtez s'il vous plaît, ça commence à être un petit peu relou. D'accord, une dégradation vraiment. Ouais. Sur les murs? Non, c'est pas sur les murs. Sur les sols. Sur la route. Non, ouais. Ce ne sont pas chez des gens. C'est pas sur des maisons, c'est pas chez les gens. Les trucs électriques. Sur soi-même. Désolé. Non. C'est dans les statues. Ah, je l'ai entendu, c'est les statues. C'est sur les statues. Il se passe un truc sur les statues. Ils mettent des nez rouges. Non, mais on est dans la bonne direction, globalement. Ils habillent quelque part, ils mettent quelque chose. Ouais, ils mettent quelque chose, ouais. Ils mettent quelque chose. Un bonnet pas des cornes. De Père Noël? Perruque non plus. Ils font de la peinture? Non, c'est pas peinture. Est-ce que c'est relatif c'est pas un cours à Donald du, Trump du papier toilette? Non plus. Mmh. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Enfin, je sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de trend, j'ai envie de dire, mais c'est une partie anatomique que rigolote, quoi. Le zizi? Non, ça n'est pas ça. La vulve. C'est pourtant, c'est très drôle. C'est juste pas. Les fesses? Le pied? Mmh. Non, non. Une partie anatomique très drôle, récente. Moi, je trouve les coudes très drôles, personnellement. En fait, non, c'est une tendance récente à faire ça, mais je sais pas comment vous aiguillez. Il se pince les oreilles. C'est une danse. Oui. Non, non, non, c'est vraiment un truc anatomique sur le visage. Allez, je vais les aller poils, plus, la non, barbe, non, le non, nez, non. Les trous de nez. C'est marrant, vous faites tout sauf ça, quoi. La c'est, boca. Tapez à côté. Les yeux, je sais pas, des lentilles. C'est les yeux, ouais. Des lentilles de couleur. C'est des yeux, c'est en rapport avec les yeux. Je sais pas si vous connaissez, du coup, je vais peut-être vous dire la réponse. Peut-être que du côté de Lucie ou Marion, qui sont un peu plus jeunes, voilà, vous connaissez la traîne des googly eyes. Mais oui, ils leur mettent des petits yeux là. Voilà, bah c'est Étienne. La lumière est venue d'Étienne. C'est ouais, les il a yeux. Dit des yeux. Des yeux. Il n'est pas la lumière non plus. Vous avez jamais vu les googly eyes? Si. C'est des yeux de taille différente qui font un petit peu bizarre. Mmh. Et ils mettent ça sur toutes les statues. Écoutez, je vais inviter nos auditeurs à taper googly eyes. Bah sur un logiciel de recherche. Alors, tout le monde regarde là, sur son téléphone. Voilà, tout le monde va regarder sur son téléphone, mais en gros, ils mettent des espèces d'énormes stickers sur les. Googly, t'as écrit ça comment Googly? Ah voilà, Googly Eyes. Ah voilà, ouais, en fait, on trouve tout de suite quoi. Sur les statues. Sur ton frigo, quoi. Et du coup, okay. Ça commence à poser problème, puisque en fait, il y en a partout, et ça commence à être un petit peu énervant, puisqu'en plus, ça pose des problèmes d'entretien de ces statues. D'accord. Par la suite. Et donc, du coup, le maire a dû faire un communiqué parce que ça commençait à prendre des. Mais. Faudrait en mettre sur Stan. Sur Stanislas. Ah ouais, ouais, ça serait. Il y a voilà. Les caméras. Non, mais par contre, on devrait faire ça, tu sais, sur les ronds-points moches de France, par exemple. Là, on pourrait, par exemple, c'est faire vrai, des trucs oui. Un peu rigolos. Ouais. Ouais. Mais toute statue moche mérite des googly eyes, j'ai envie de dire. C'est vrai. On va rester aux États-Unis. Attention, là, ça va être un tout petit peu moins googly, hein, j'ai envie de dire. Ça va être un petit peu moins fun. On va demander qu'est-ce qu'ont refusé les Américains Shannon Agofsky et Len Davis? On est en Indiana. C'est un couple? Ils ont refusé un truc. Oui, ils ont refusé quelque chose qui leur était possible d'avoir et ils l'ont refusé. C'est un enfant. Ce n'est pas un couple. Non, non, non. Ce sont deux personnes. C'est deux hommes? Mâles, oui. Différentes. Mais ils ont fait la même chose sans se connaître ou ils se connaissent? Ils ont fait la même chose dans le sens où ils ont à peu près le même sort, j'ai envie de dire, mais ouais. Ils se connaissent pas. Hein. Ils ont refusé d'aller en prison. Oui, Jocelyn. Ils sont condamnés à mort? Ils sont condamnés à mort. Ils ont refusé la grâce du président Joe Biden qui à la nouvelle année, il est traditionnel de faire une grâce. Et en fait, ils ont refusé que leur peine de mort soit annulée par Joe Biden parce qu'en fait, quand Joe Biden annule, enfin, quand le président s'est commué en peine de prison à perpétuité, donc à vie, et eux, ils pensent qu'ils ont de bonnes chances d'être prouvés innocents. Et donc, du coup, ils ont refusé d'être pardonnés de cette manière-là. Ah, d'accord. Oui, ils préfèrent un nouveau jugement. Voilà, exactement. Pour être lavé. Oh, le risque. C'est vrai que là, je pense qu'ils ont de meilleures chances, en fait. Voilà, s'ils acceptent, ça veut dire que là, il n'y a plus de jugement. Et ils seront en prison à vie. Et aux États-Unis, quand ils disent à vie, c'est vraiment à vie. D'accord. Tu meurs vite. T'as une expérience là-dedans? Tu as été toi-même en prison à vie aux États-Unis? Ouais, là, c'est ma réincarnation qui te parle. D'accord. C'était pendant la prohibition, j'imagine. C'est pour ça, la remarque. Bah oui. Tout est lié, finalement. On va maintenant... Alors, où est-ce qu'on va? Bon, on va nulle part. C'est une question un petit peu notre chronique finance, j'ai envie de dire, notre chronique technologie. Quel est ce produit qui vaut en moyenne 500 000 dollars et qui connaît un essor ces derniers temps? C'est un produit que l'on peut se... Le Smecta. Que l'on... non. 500 000 dollars. C'est un produit, c'est quelque chose qu'on peut acheter, disons. Un téléphone pliable comme ça. Voilà. Oui, ça vaut 500 mais à 500 000 dollars, par contre. 500 000 dollars, qu'est-ce qui vaut si cher? Vous pouvez répéter? Donc, c'est pas la quel vessie produit d'un valant. Poisson, un truc, c'est un peu la cocaïne, non? Marion, proposition? Quel délire, tu as. Un lisseur, sèche-cheveux. Un sèche-cheveux à 500 000 dollars? Oui, enfin non, il y avait des innovations de brosse, cheveux, lisseurs et tout, qui coûtaient assez cher. Non, bah alors c'est pas ça. Alors quand je dis en moyenne 500 000 dollars, ça peut aller de 200 000 à 10 millions. Voilà. Okay. Mais c'est, est-ce donc que on est vraiment sur un produit très haut de gamme. C'est hein. pas une vessie de porc alors. C'est pas au Japon où on achète. Non, non, non, c'est partout dans le monde. D'accord. Partout dans le monde. L'essor a lieu partout. Donc là, c'est quoi l'idée? C'est un truc technique fabriqué ou c'est un truc naturel? On cherche. C'est... Oui, c'est quoi qu'on cherche? On cherche un bien. Ouais. Un produit, quelque chose graphique. Qui. J'ai pas envie d'être trop précis parce que si je vous donne le type de bien, vous allez être un peu plus rapidement. C'est la crypto-monnaie? Aiguillé, non. Et c'est quelque chose qui, ces derniers temps, se vend de plus en plus à un plus grand marché, un marché qui, comment on dit, des en serveurs. Essor, voilà, de plus en plus de gens. Lucie. C'est pas des lunettes qui filment? Non, ce ne sont pas des lunettes qui filment. 500 000 dollars, c'est pas. C'est vraiment, c'est des vraiment photos, très très cher, hein, attention. Hein. C'est une maison? Non. Des bouts de forêt? On est plus dans ce domaine-là, on est plus dans ce domaine-là, mais c'est pas ça. Des bouts de lune? C'est pas ça non plus. C'est du foncier. Des astéroïdes. Des astéroïdes, effectivement. Des bouts d'astéroïdes. Non, c'est pas ça, mais après, si c'était en vente, moi je serais dessus, je vous le dis on tout de suite. Un astéroïde, tous. Voilà. Qui n'a c'est pas son astéroïde en 2025? C'est du foncier, je pense qu'on peut dire oui. Ça veut dire que c'est une construction. Un bâtiment, une construction. C'est une construction, ouais. D'accord. C'est okay. une construction. C'est une construction qui a le vent en poupe, j'ai envie de dire. Puisque. C'est pas un jeu de mots du tout. Ah, non, non. C'est une construction qui bouge. Je me suis rendu compte que ça pouvait. Pas du tout. Elle bouge, cette construction. Elle ou ne pas bouge pas. Et c'est peut-être même pour ça qu'on. Elle est déjà construite. Oui, des bunkers. Exactement. C'est un bunker. C'est même. Les bunkers antinucléaires qui connaissent un essor ces derniers temps, oui. Puisque ça en fait, mais oui, Zuckerberg, avec les, tout ça, ils ont tous leur voilà, bunker, et visiblement vu le tarif, je pense que même les riches du dessous en ont aussi, c'est-à-dire les pauvres riches, on commence à s'en doter. Et en fait, c'est dans l'éventualité d'une guerre nucléaire, on a envie d'être protégé, sachant que les bunkers antinucléaires ne fonctionneraient pas en cas de guerre nucléaire. Mais ça, faut pas le dire. Ah, sinon, le marché. C'est que 500 000. Voilà. Comment seulement. Enfin, c'est seulement. Que 500 000. Bah, attends. En moyenne. Tu peux même en avoir un pour 200 000 euros. Non, non, tu peux même en avoir un petit pour 200 000 dollars. Mais pourquoi c'est pas sécurisé contre les guerres nucléaires? Alors, j'ai pas regardé pourquoi ça marche pas, mais je pense que ça doit avoir avec le fait qu'au bout d'un moment, tu dois sortir, quoi. Déjà, et puis si tu recycles l'air extérieur, bah c'est mort. Donc ça veut dire que tu as des réserves d'oxygène. Mais il sert à quoi alors le bunker pas... Et même si tu sors une semaine après, au niveau de la température déjà. Si tu te prends une bombe nucléaire sur la tronche, ouais, imaginons. Tu pars en gaz. Oui, mais voilà, ça monte à plusieurs milliers de température. Donc tu meurs instant alors mais, que tu mais sors, si tu es dans un bunker, tu pars pas en gaz. T'as chaud. Après, est-ce que t'as envie de sortir du bunker alors que tout le reste du monde est parti en gaz? Et question. Puis tu vas finir par mourir. Il voilà. y a un film qui s'appelle Malville, je crois, qui parle Smallville. De ça. C'est un train qui est coincé dans un tunnel au moment où il y a une bombe nucléaire qui éclate et tous ceux qui étaient dans le train sont sauvés parce qu'ils étaient à l'abri. Oh, cool. Et c'est un ça film avec trop bien Vidré, film. Mais ouais, je sais plus comment il s'appelle ce film. Ah, mais c'est un vieux film? Oui, c'est un vieux film. Du coup, tu regarderas pas. Bah, ce sera mal fait, je pense. Il n'y aura pas d'effets spéciaux, malheureusement. Ah oui, non. Ouais, ouais. Mal au vide. Oui, alors, voilà. Okay. En tout cas, si vous voulez vous doter d'un bunker anti-nucléaire, n'hésitez pas. Hein, 200 000 en vrai. Je vous aiguillerai, en tout cas. Merci. On va partir. Bah, on va retourner en Inde, ouais. Tristan, à nouveau. Ah. On va aller la dans, place, la, tu peux y aller, donc, hein. dans la ville ou la région, je ne sais pas, de Chhattisgarh. Il y a un Indien qui est mort dans cette région de Chhattisgarh à 35 ans, mais de quoi est-il mort? Est-ce que c'est religieux? C'est pas religieux, mais c'est apparemment débile. C'est issu d'une superstition quand même. Il a fait quelque chose en lien avec une superstition. Il est passé sous une Et échelle. C'est une mort qu'on voit. Comment? Non, il est pas passé sous une échelle. Enfin, peut-être avant, mais je ne sais pas. Il s'est ouvert quelque chose? Il a osé taper une vache ou un truc comme ça. Ils en ont tellement voulu qu'il est mort. Non, non, non, non. On cherche pourquoi il est mort ou de quoi il est mort. De quoi il est mort? Enfin, disons que bon. C'est lié. C'est lié quoi. Mmh. C'est le un petit pourquoi. Mais moi, si je le fais, je meurs aussi. Je pense. Enfin, en fait, j'ai été étonné qu'on meure de ça, mais je m'étais jamais posé la question. Je peux comprendre qu'on meure de ça, en fait. Est-ce que c'est interdit de le faire? C'est pas évident. C'est pas interdit. Si ça. Bah non, c'est pas interdit de le faire. Je pense pas. Je sais pas en fait. C'est très mal vu de le faire quand même. Est-ce qu'il y a des gens en France qui peuvent mourir de la même chose ou pas du tout? En fait, tout le monde peut mourir de ça parce que c'est. Et est-ce que chez nous c'est très mal vu? Mais on n'est pas sur un AVC. En fait, je pense que c'est même pas une question de bien ou mal vu. En fait, c'est juste quelque chose que personne ne fait quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que non. C'est avec un objet contondant? C'est pas avec un objet contondant. Non. Et ça a un lien, je sais plus la réponse, il y a un lien avec la spiritualité indienne, il y a un truc. En fait, pas vraiment, c'est-à-dire qu'il a été il était en contact avec une espèce de gourou qui lui a convaincu que faire ça en fait, il a fait ça pour augmenter ses chances d'avoir un enfant. Il voulait absolument avoir un enfant. Et, c'est coquin. Il a mangé trop de choses. C'est pas un truc. C'est quelque chose qui pas mangé, mais disons voilà, c'est dans, on est dans gobé. Inséré des trucs. C'est ça. On a gobé quelque chose. Ah, il a gobé quelque chose. Piment. Non. Une corne de rhino. Non. Et c'est pas passé. Non. Je vais être un piment. Il s'est étouffé avec. Alors je sais pas quelle est exactement la condition de ça, enfin qu'est-ce qu'il a tué exactement, mais globalement il a avalé un bébé. Ça s'est mal passé, quoi. C'est toxique, bébé. Quoi. Enfin, c'est pas que c'est toxique, mais ça s'est mal passé. C'est un truc qui est en lien avec justement le côté viril. Ah oui, non, plutôt l'opposé d'ailleurs. Il a mangé des agrafes. Mais ça, il a mangé des huîtres. Un lien avec la fécondation, avec le, je sais pas, la fertilité. Il a mangé un animal. Oui. Est-ce que c'est coquin? Un animal vivant. Ah, un hérisson. Attention. Un poulpe. Attention, c'est là où ça peut être un petit peu. Les images peuvent être un petit peu hardcore si vous êtes imaginatif. Non. J'ai beaucoup d'imagination. C'est un mammifère. Ce n'est pas un mammifère, non. C'est pas un scorpion. Une tortue. Est-ce que c'est pas un mammifère? Je ne sais même pas. Ça fait des œufs ou pas? Bah, dis-nous. Oui, ça fait des œufs, ça fait des œufs. C'est pas un mammifère. Mais oui, c'est ça. C'est un oiseau. Oui, voilà. C'est un reptile. C'est pas une vache. C'est un oiseau, oui. C'est un oiseau. Ah, un aigle, un truc un peu. Non. Une autruche. Un moineau. Non. Un pigeon. Non. Un colibri. Un pingouin. Un rouge-gorge. Il a bouffé un pingouin. C'est un. Une hirondelle. C'est un poussin, ouais. Un poussin. Il a mangé un poussin. Vivant. Il a mangé un vivant poussin. Il c'est mignon. Il a avalé un poussin vivant. Il l'a gobé. Oh là là. Okay. Il l'a gobé, voilà. Il a fait une maïté. On l'a retrouvé mort, mais alors attention, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le poussin a été retrouvé vivant dans son estomac. Ah, ça, ça fait plaisir. Comme quoi, vous voyez, hein, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce monde. Ils ont ouvert l'estomac pour sauver le poussin. Non, mais pour voir de quoi il était mort d'une autopsie, quoi. Il est mort de l'autopsie. Ah ouais. Voilà, donc quelque part. Il y a d'autres pays où ils mangent des poussins vivants. Ah oui, aux Philippines, en fait, ils mangent les œufs. Non, oui. Il y a déjà des poussins. Ils font cuire un œuf qui est déjà. Mais ils les gobent pas. Mais ils les. Non, mais voilà, il est cuit. Ils font pas cuit. Oui, c'est ça. Un seul cuit. Voilà, ils ne font plus. Un seul cuit, exactement. Et on va terminer avec, allez, on a très vite fait, quel procédé la mafia japonaise a-t-elle avoué utiliser pour blanchir son argent? Tamagotchi. De la peinture. Exactement. Très bien, deux excellentes propositions, mais non, ça n'est pas ça. C'est une, voilà, on blanchir, termine notre chronique économique. Okay. Comment bien blanchir son argent ce soir sur Fadjet? Non. Non. C'est un truc qui se mange? C'est un truc qui ne se mange pas. C'est un truc que, je pense, autour de cette table, tu es le moins susceptible de trouver. C'est lié à la gentillesse. Ah. Avec les c'est un peu manga ou comme ça? Ah, pas mal ça, j'aime bien. Oui, belle piste ça. Alors là, Ils financent des usines de manga. C'est des produits, voilà, c'est des choses qu'ils achètent, ils achetaient avec du cash, puis après ils revendaient pour blanchir l'argent. C'est de la spéculation C'est pas de la spéculation, c'est juste qu'ils transforment de l'argent sale en du papier. Ils font du blanchiment. Bah, c'est du papier puisque c'est quelque chose. C'est des cartes. Ah, t'as Pokémon. Des cartes Pokémon, voilà. C'est moi qui l'ai trouvé. Exactement. C'est Caro qui gagne puisque tu as 1000 points, Caro. Bravo, Caro. J'ai 1000 cartes Pokémon chez moi en ce moment. Merci, ah oui, tu en as. Ah d'accord. Bah les mafieux. Bah voilà. Donc voilà un petit procédé pour la mafia japonaise. N'hésitez pas si vous aussi vous avez une. Donc là en France peut-être que potentiellement on achète des cartes Pokémon. On est en train de faire. T'as des cartes sales. Exactement. Voilà. C'est bien. C'est un bon Noël, moi. Effectivement. Voilà pour notre quiz. On va écouter un petit jingle de fin et on va tranquillement terminer cette émission. Bah, il est déjà 19h. Bah oui, Et oui, il est déjà 18h57, c'est vraiment déjà la fin. Wow. Comment ça s'est passé pour vous, Marion et Lucie, cette première expérience? Très bien. Très bien, elles sont gentilles. C'était super. Ouais. Bah, regarde comment Tristan les regarde, elles peuvent pas dire autre chose. Est-ce que tu peux dire un truc qui est pas du tout gentil? Et que vrai. Voilà, Marion, essaye de dire un truc très méchant pour conclure. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, Marion trouve qu'elle est trop gentille. C'est sa résolution de devenir méchante. Balance. Faut que ça soit vrai aussi, qu'il y ait une part de vérité. Justement, parfois, faut être honnête. Si, ouais, ou ça, t'es réellement méchant. Ouais, une part de vérité dans ta méchanceté, sinon c'est pas drôle. Vas-y. Si je trouve pas, je peux laisser tomber. Oh là là. Désolé les auditeurs. C'est bien, elle est un peu. Ouais, t'es vraiment atteinte de gentillesse. Comme quoi, la condition est probablement incurable. J'ai peur cette condition on va en de gentillesse. Après. On a très peu de temps, Caro, pour parler du 23 janvier. Ah oui, et parlons-en. Parlons-en. Le 23 janvier, Mesdames et messieurs, j'y vais, hein, cash direct. Vas-y, bien sûr. Donc, nous avons l'impro late show qui se joue à la MJC Pichon à 20h30. Et c'est un petit peu le the place to be, quoi, ce soir-là, j'ai envie de dire. Voilà. C'est un spectacle d'improvisation dans un décorum de late show à l'américaine avec des musiciens live, un bureau, des mugs. Ça, c'est vachement important quand même, des mugs personnalisés. C'est et au milieu de tout ça, bah, on fait plein de blagues, de défis improvisés. Oh, un couleur, j'ai envie de dire, dans lequel vous êtes. Enfin, vous avez déjà participé tous les effectivement, deux. Effectivement, ouais, Tristan et moi, oui, oui. Bah écoute, on y sera, hein, MJC Pichon, cool. 20h30. On sera aussi au Cristal pour les deux autres. Hein, mais tu sais que le 23, il se passe un truc en plus au Cristal. Hein. Ah, ah. Folie. Bah oui, bah oui. Qui se passe quoi, Étienne, tu sais, toi? Le 23 janvier. En tout cas, il se passe un truc avant 20h30. Ça va être jazz, ça. Ouais, non, des okay, musiciens live aussi. Ils ne savent pas, parce que, attention, il y a Tristan qui a aussi une actu. Oui, Tristan. Demain, on joue, toi et moi, à la MJC de la Neuveville, c'est à 20h30, et c'est un spectacle d'impro qu'il ne faut pas rater sous aucun prétexte. Il y a beaucoup de choses à ne pas rater, dis donc. C'est à ne rater sous aucun prétexte, c'est à 20h30. C'est entrée 5 euros. Et on aura également le rapport de stage de Lucie et de Marion à lire. Évidemment, à ne pas rater. Ouais. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Le dernier jour du mois. Oh, le dernier jour du mois, le 31 janvier. Dernier. Et la semaine prochaine, ça sera Guélon et sa clique pour la voisinade. D'ailleurs, j'y étais la semaine dernière. Moi, je fais tous les jeudis maintenant. C'était comment? C'était très très bien. Mais c'est terminé pour notre émission. Ciao à tous. Bonne semaine. Bisous. Ciao. Bonne soirée.